Yeah. 7.47 40, t'aimerais que je te dise que je t'aimerais peut-être bien maintenant. Trêve d'hypocrisie, j'aurai le fou rire à ton enterrement. Pourquoi t'abois? Pourquoi t'abois? Tu vas te faire fumer bêtement. Passe le bonjour à ta remède, goodbye et rafa dans ta mère grand. Je n'ai peur que de Dieu, je n'ai peur que de Dieu. Et de la daronne, et de la daronne. Les vrais comprendront, je viens d'un texte où ça fait des coups en chute. Sans dire shalom, sans dire shalom. On est pour mourir, ma tombe sera ma copine. Prise de 107 grammes, 5 de Jack Daniels dans l'hémoglobine. Elle veut pas une nienne, je m'en bats les couilles de ce que dit l'homme. Sur la route de la vie, je n'ai que mon 9mm et la mort comme copilote, comme copilote. Père de Louis Vuitton, père de Louis Vuitton. Pour ceux qui nous portent l'œil, qui nous portent pas. T'as niqué ta meuf, elle avait la vue sur ton portefeuille. Oh le bâtard, oh le bâtard. Avoue que celle-là, tu l'as kiffé. N'étends pas la main, elle va te la griffer. Enfin bref, je t'aurais briefé. Mariage, divorce. L'âme d'aujourd'hui n'est que le chevalier. Jean Pita fait le chevalier. Ta meuf t'asseoir à ta chevalière. À ta chevalière. J'vois que t'as le seum, j'vois que t'as le seum. On peut plus rigoler, on peut plus rigoler. Allez vas-y, nique ta mère. Les embrouilles ça ramène pas de billets violés. Chérie, me donne pas ton cœur, non. J'préfère te cambrioler. T'as pas peur toi, t'es comme ce mec et mon tête mais qui roule en cabriolet. En cabriolet. J'vois que t'as le seum, j'vois que t'as le seum. On peut plus rigoler, on peut plus rigoler. Allez vas-y, nique ta mère. Les embrouilles ça ramène pas de billets violés. Chérie, me donne pas ton cœur, non. J'préfère te cambrioler, t'as pas peur toi. T'es comme ce mec et mon tête mais qui roule en cabriolet. En cabriolet. Tu prends la cartouche, t'étais visé. Aucune frappe dévissée. J'te tac à la gorge, mon alibi. Monsieur Lapide, j'ai glissé. Motherfucker, motherfucker. 17-17, par le Glock. Au verre d'eau de repu, putain de merde. Depuis quand les bolos, je les dealers des drogues. Des drogues. Par la passe, sandwich au thon à la mayonnaise. Les 9mm est hispanique. La douille est barcelonaise. Barcelonaise. Parisien depuis Wea. David Ginola. Feinte à la Travolta. Caera depuis l'époque des granola. Des granola. Bref, bref. J'veux m'élover, pas de l'OVA. Les stars tombent sur nos paliers comme des putains de témoins. Des Jéhovah, des Jéhovah. Toc, j'ai récupéré ma thune. Savais pas que tu me verrais. J'prends aussi ta télé plus ta meuf pour mes intérêts. Pour mes intérêts. On s'est compris, on s'est compris. Ta vie vaut même pas un tronc-lit. Fais de beaux rêves, bisous. D'où de 9mm dans ton lit. Mettre dans ton lit. Bref, basta, j'suis le Barça. Tu rap pour les enfants, s'il te plaît. Passe le parfum. J'vois que t'as le seum, j'vois que t'as le seum. On peut plus rigoler, on peut plus rigoler. Allez vas-y, nique ta mère. Les embrouilles ça ramène pas de billets violés. Chérie, me donne pas ton cœur, non. J'préfère te cambrioler. T'as pas peur toi, t'es comme ce mec et mon tête mais qui roule en cabriolet. En cabriolet. J'vois que t'as le seum, j'vois que t'as le seum. On peut plus rigoler, on peut plus rigoler. Allez vas-y, nique ta mère. Les embrouilles ça ramène pas de billets violés. Chérie, me donne pas ton cœur, non. J'préfère te cambrioler. T'as pas peur toi, t'es comme ce mec et mon tête mais qui roule en cabriolet. Merci toi et je t'explique, non ferme ta gueule, bois ton panaché. Un mec averti en vaut deux, y'en a deux comprends, j'préfère les attacher. Fato, tu veux me calacher. C'est rouge, cerveau saccagé. J'pars avant toi, peu importe sur le vol de la mort. On sera tous passagers, tous passagers. Merci toi et je t'explique, non ferme ta gueule, bois ton panaché. Un mec averti en vaut deux, y'en a deux comprends, j'préfère les attacher. Fato, tu veux me calacher. Zéro rouge, cerveau saccagé. J'pars avant toi, peu importe sur le vol de la mort. On sera tous passagers. J'vois que t'as le seum, j'vois que t'as le seum. On peut plus rigoler, on peut plus rigoler. Allez vas-y, nique ta mère. Les embrouilles ça ramène pas de billets violés. Chérie, me donne pas ton cœur, non. J'préfère te cambrioler. T'as pas peur toi, t'es comme ce mec et mon tête mais qui roule en cabriolet. En cabriolet. J'vois que t'as le seum, j'vois que t'as le seum. On peut plus rigoler, on peut plus rigoler. Allez vas-y, nique ta mère. Les embrouilles ça ramène pas de billets violés. Chérie, me donne pas ton cœur, non. J'préfère te cambrioler. T'as pas peur toi, t'es comme ce mec et mon tête mais qui roule en cabriolet. En cabriolet.